Yeah. Nortunity Sound, original Soul Jabbies. Je suis le chemin de la droiture, quoi qu'ils disent. Hey, Made in Unity, déjà 10 ans. Respect au maximum to the real activists. DY, c'est sûr. What the hell are you waiting for? La vie que l'emmène à la ville. Profondément, il n'y a plus qu'une seule envie qui m'anime. Mon ami, c'est retrouver des reculs pour pouvoir mener la vie que l'emmène en dans la jungle urbaine en étouffement d'oxygène. Ok, mon ami, dans la vie que l'emmène à la ville. Profondément, il n'y a plus qu'une seule envie qui m'anime. Mon ami, c'est retrouver des reculs pour pouvoir mener la vie que l'emmène. Éliminer nos penchants futiles et renouer avec l'essentiel. Je veux m'éloigner de cet amas de béton. Retrouver des valeurs saines pour mieux discerner les faux semblants. Évoluer et contribuer à l'accomplissement de mon esprit. Dans la ville règne le paraître et l'illusion. Pourquoi on se tape dessus, les gens se posent plus la question. On aime tellement ce coup pareil qu'on va pas combiner dans la fiction. D'où vient ce manque flagrant d'affection, de l'individualisme et de la quête de la perfection. Ok, mon ami dans la vie que l'emmène à la villa. Profondément il n'y a plus qu'une seule envie qui m'anime. Mon ami c'est retrouver des reculs pour pouvoir mener la vie que l'emmène en dans la jungle urbaine en étouffement d'oxygène. Ok, mon ami dans la vie que l'emmène à la villa. Profondément il n'y a plus qu'une seule envie qui m'anime. Mon ami c'est retrouver des reculs pour pouvoir mener la vie que l'emmène. Éliminer nos penchants futiles et renouer avec l'essentiel. What the hell are you waiting for? Seule envie qui m'anime, mon ami, c'est retrouver des reculs pour pouvoir mener la vie que l'emmène en dans la jungle urbaine en étouffement d'oxygène. Ok, mon ami, dans la vie que l'emmène à la villa. Profondément, il n'y a plus qu'une seule envie qui m'anime, mon ami, c'est retrouver des reculs pour pouvoir mener la vie que l'emmène. Éliminer nos penchants futiles et renouer avec l'essentiel. Je n'ai qu'une seule envie que ceux qui m'aiment m'accompagnent dans la city sa pavane. Je préfère la campagne, mais bye bye. L'espace à volonté, c'est que l'avenir nous gagne. Inspire, expire, tu verras ce que ça donne. Tu sais que de plus en plus ils placent ici leur caméra, qu'ils peuvent nous suivre à la trace comme dans les films ennemis d'État. Ils nous fichent qu'ils transgressent les droits de l'homme ou chat. S'il le faut, on prend dans la main qui l'avenir nous le dira. Ok, mon ami dans la vie que l'emmène à la villa. Profondément, il n'y a plus qu'une seule envie qui m'anime. Mon ami, c'est retrouver des reculs pour pouvoir mener la vie que l'on aime dans la jungle urbaine, on étouffe manque d'oxygène. All time, mon ami dans la vie que l'emmène à la villa. Profondément, il n'y a plus qu'une seule envie qui m'anime. Mon ami, c'est retrouver des reculs pour pouvoir mener la vie que l'on aime. Éliminer nos penchants futiles et renouer avec l'essentiel. Si on se replie, ça n'est pas pour autant pour lâcher le combat. Mener la contre-attaque, c'est n'est déjà sortir du constat. On ne compte pas en rester là, mais on sera mieux là-bas pour préparer les générations futures quand leur tour viendra. Mets-toi over right now, tu verras. Tu pourras contempler le ciel et dominer d'étoiles sans vibrita. Pose-toi la question qui n'a pas intérêt à ce que chacun trouve son saiyan. On ne baisse pas les bras. Ok, mon ami dans la vie que l'emmène à la villa. Profondément, il n'y a plus qu'une seule envie qui m'anime. Mon ami, c'est retrouver des reculs pour pouvoir mener la vie que l'on aime en dans la jungle urbaine en étouffement d'oxygène. Ok, mon ami dans la vie que l'emmène à la villa. Profondément, il n'y a plus qu'une seule envie qui m'anime. Mon ami, c'est retrouver des reculs pour pouvoir mener la vie que l'on aime. Éliminer nos penchants futiles et renouer avec l'essentiel.